mon plus d'avenir, sache que je ne t'oublie pas. Je vis, continue-moi, je survis. Quand en moi tu pourras, mais attends ton dernier soupir. Tu m'as dit, je t'en prie, bats-toi pour moi. Mais je me sens seul et abandonné sans toi. Je dois porter le deuil sans jamais baiser les bras. Mais à quoi on se bat si je n'ai plus aucune envie? Je suis qu'un automate au regard vide comme un être sans vie. Mais dis-toi, je me bats pour toi. Car à mes yeux, rien ne vaut plus la peine. Dis-moi, je me bats pourquoi? Si rien ne fera que tu me reviennes. Là où ne vois-tu pas, ne vois-tu pas que mon petit cœur saigne? Dis-toi, je me bats pour toi. Sinon, je serai déjà au fond de la scène. Mi corazón, no cuña para ti. Y mi razón, no está aquí. Mi corazón, no cuña para ti. Dis-toi, je me bats pour toi. Car à mes yeux, rien ne vaut plus la peine.